Le plaisir du temps qui passe, celui que nous ne reverrons plus, celui qui laisse derrière lui ses angoisses et devant moi un ami inconnu, inconnu. Savoir aussi profiter de ces jours, de ces nuits blanches passées ensemble, de faire semblant, de faire l'amour, ou de s'aimer tout simplement, tout simplement. Simplement. Des jours passés à ne rien faire reste encore le meilleur moment. La tendresse est compliquée et ton cœur un peu paumé, un peu paumé. Oh, un peu paumé. C'est le plaisir du temps qui passe, celui que nous ne reverrons plus, celui qui laisse derrière lui ses angoisses et devant moi un ami inconnu, inconnu.